si j'ai peur, c'est que je crains la douleur, celle qui te ramène aux pleurs, celle qui peut te mettre à terre quand t'as été trop sincère, celle qui te fait perdre la tête. Dingue, dingue, 7 jours sur 7. S'il te plaît, comprends mon comportement, ça me soulagerait tellement. Je contrôle pas mes sentiments. Un jour je t'aime, je t'aime. Je t'appelle à pas d'heure et que parfois je suis vénère. Pas toujours les bonnes manières. Je jongle avec mon caractère. Je comprends que tu puisses être à bout de nerfs. Je sais que je dois faire des efforts. Ne croisons pas les fers. Mais ne croisons pas les fers. Moi-même, c'est moi contre moi-même. Le discours reste le même entre moi et moi-même. Ne m'en veux pas mon cœur pour ces instants de bonheur que j'ai fait passer avant l'heure. Je ne maîtrise pas toujours mon humeur. J'aimerais être à la hauteur, combler ta vie et ton cœur, être ton alter ego, éliminer mes défauts. Je t'avoue que je suis en colère quand je vois le temps qu'on perd. Je la fais déjà avec moi-même. Moi-même. C'est moi contre moi-même. Moi-même. Le combat est le même entre moi et moi-même. Moi-même. Moi-même. C'est moi contre moi-même. Le discours reste le même entre moi et moi-même. Moi-même. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Laisse-moi donc le temps de t'aimer comme tu l'entends et prends. L'entends et prends-moi comme je suis. Aime-moi la vie, je suis une perle qui ne demande qu'à sortir de sa coquille. Moi-même, moi, moi-même, moi, moi-même. Hey, moi, moi, moi-même. Entre moi. Entre moi.